Ferdinand, roi d'Aragon, et Isabelle, reine de Castille, réunissaient par leur mariage toute l'Espagne, si vous en acceptez le royaume de Grenade, que les Mahométans conservaient encore, mais que Ferdinand leur enleva bientôt après. L'union d'Isabelle et de Ferdinand prépara la grandeur de l'Espagne. Colombo la commença. Mais ce ne fut qu'après 8 ans de sollicitations que la cour d'Isabelle consentit au bien que les citoyens de Gênes voulaient lui faire. Ce qui fait échouer le plus grand projet, c'est presque toujours le défaut d'argent. La cour d'Espagne était pauvre. Il fallut que le prieur Pérez et 2 négociants nommés Penzone avançassent 17 000 ducats pour les frais de l'armement. 23 août 1492. Colombo eut de la cour un ordre de mission et partit enfin du port de Palos, en Andalousie, avec 3 petits vaisseaux et un 20 titres d'amiral.